dit Dereux, termine sa digression sur ce compte en défendant d'abord Mademoiselle Duquesnoy, puis, plus longuement, en plaidant la cause de Madame de la Pommeraye, que ces mots résument assez bien. Un homme empoignard d'un autre, pour un geste, pour un démenti, il ne sera pas permis à une autre femme perdue, déshonorée, trahie, de jeter le traître entre les bras d'une courtisane. Ah, lecteur, vous êtes bien léger dans vos éloges et bien sévère dans votre blâme.